Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'un des albums les plus mémorables de Johnny, Insolitude. Il est sorti le 25 avril 1973, c'était son 16e album studio et il marque un tournant dans la carrière de l'artiste parce qu'il mêle rock, country rock et ballade introspective. Alors installez-vous confortablement, c'est un conseil, et laissez-moi vous embarquer dans cette exploration musicale. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à Jeff, notre ami breton. Bonjour JP, bonjour Rook, je suis très heureux d'être avec vous pour évoquer l'album Insolitude. Alors, Insolitude a été enregistré entre Londres et Paris, dans les studios prestigieux comme Olympic Sound Studio et les studios Davou à Paris. Johnny s'entoure ici d'une équipe impressionnante de musiciens avec des pointures internationales comme Peter Frampton, Bobby Kay, le saxo des Rolling Stones de 69-73 et puis après de 82 à 2014, et Claude Vorman, bassiste de Manfred Mann de 66 à 69 et qui collabore avec Lennon, Harrison et Ringo Starr. L'album bénéficie également des talents de l'ingénieur du son Chris Kimsey, qui est connu pour son travail avec les Rolling Stones. La réalisation, quant à elle, est confiée à Ali, celui sans qui Jean-Philippe Smet ne serait jamais devenu Johnny Hallyday. Alors cet album de 11 titres offre une palette riche et variée. Voici une petite plongée dans ses morceaux emblématiques. La musique que j'aime, alors véritable hymne au rock, ce titre incarne la passion de Johnny pour la musique avec des riffs bluesy et une interprétation viscérale. C'est l'un des morceaux les plus emblématiques de sa carrière. Et je voudrais ajouter que j'ai une tendresse particulière pour ce titre parce que c'est avec ce titre-là que j'ai découvert Johnny. Pour moi, je ne connaissais pas Johnny. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. C'est un titre hyper important. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Ensuite, nous avons « Tu peux partir si tu le veux ». Ce titre est paru en face B dans le 45 tours qui était sorti quelques mois auparavant, à l'automne 1972. « Tu peux partir si tu le veux » donne en fait un avant-goût de l'album et mêle des couplets tendres et un refrain, on va dire, plutôt incisif. On trouve ensuite « Comme un corbeau blanc ». Cette chanson écrite par Gilles Thibault explore la solitude et l'exclusion avec une instrumentation élégante orchestrée par Jean-Claude Vanier. Comme un corbeau blanc, l'amour est rare. Composé par Angelo Finaldi, bassiste, et Richard Tate, batteur, Le sorcier, le maudit est un morceau intrigant et sombre où Johnny nous emmène dans un univers mystique avec des sonorités envoûtantes. Finaldi collaborera plus tard avec une certaine Nanette Workman. De la Louisiana, du nord jusqu'à Mexico, il allait de ville en ville quand on avait besoin d'eau. Le faiseur de lui, le sorcier. Prison des orphelins, qui est chanté en duo avec Michel Mallory. Ce titre poignant aborde des thèmes profonds avec une intensité rare. Notez qu'ils ont chanté cette chanson au pénitencier de Bocuse en Suisse. Et là, cette version reste la plus émouvante, aussi bien pour Johnny que pour les détenus. Et la fontaine, est asséchée. Notre pleine éventrée, car ils ont construit une prison sombre et grise en béton. Soupçon, alors Alors, c'est, ce titre-là est surprenant dans le répertoire de Johnny, puisque c'est une adaptation française de Suspicion Mind de Mark James. Johnny offre ici une performance vibrante, pleine de sensibilité et surtout, à mon sens, étonnante. Petit à petit, et sans faire de bruit, une ombre s'est glissée entre nous. Après tant d'amour et après tant de nuit, un doute est venu pour tout briser. On fait mourir les rêves avec des souffrances. Le feu, composé par Gary Wright. Le texte, lui, est signé Michel Mallory et il évoque une relation passionnelle où les corps des deux partenaires se consument d'un amour brûlant. Gary Wright se charge lui-même de jouer de l'orgue qui ajoute une dramaturgie supplémentaire à l'ensemble. La solitude, c'est une balade mélancolique où la voix de Johnny est sublimée par des arrangements poignants. La solitude est un grand pays qui vivrait le reste de ma vie. Ensuite, on retrouve un team de Gary White qui mêle l'influence folk et rock avec des sonorités très travaillées. C'est Moraya. Moraya, princesse de l'ombre, où t'en vas-tu lorsque vient le jour? Ma mère. Nous avons « J'ai besoin d'un ami », qui contraste un petit peu avec le titre précédent. Johnny compose ici une balade country désespérée. Peu importe qu'il s'agisse d'un vieil homme, d'un enfant, il veut seulement ne pas rester seul et cherche quelqu'un pour oublier. Sinon, il pourrait bien faire une connerie. « J'ai besoin d'un ami pour réchauffer ma vie, pour les jours sans amour et d'ennui. Que ce soit un vieil homme, un enfant, mais quelqu'un qui sourit et qui me tend de la main. Et pour clôturer cet album, plus belle des manières, il a choisi le titre Le droit de vivre, les chansons engagées qui clôt l'album sur une note puissante et pleine d'émotions, avec des sujets qui sont depuis devenus d'actualité, de s'accepter les uns et les autres, et on découvre un peu un Johnny avec des idées précises qu'il nous informe. Ça ne sont que des hommes. À sa sortie, Insolitude est bien accueilli par le public et la critique. Le magazine Rolling Stone le classera plus tard parmi les meilleurs albums de rock français. Avec cet album, Johnny montre une nouvelle facette de son talent, mêlant introspection et énergie brute, comme s'il avait encore besoin de prouver de nouvelles choses. Plusieurs titres, dont La musique que j'aime et Le feu, deviendront des incontournables de ses concerts, marquant à jamais son répertoire. J'ai notamment souvenir d'une version de Le Feu à Bercy lors du Laura Datour en 95. Johnny en profite d'ailleurs pour présenter ses musiciens au début du titre. Et cette version fait partie de mes favorites. La solitude, il faut le dire, et c'est vraiment un bijou, du moins pour moi, parce qu'il y a sentiment aussi particulier avec cet album. Mais chaque chanson révèle une facette différente de Johnny. Tantôt rocker indomptable, tantôt poète introspectif. C'est un album qui mérite d'être redécouvert encore et encore, puisque je trouve qu'il est toujours surprenant. On n'a jamais fini de découvrir. Alors, mon avis concernant cet album, on peut dire qu'à l'exception de Comme un corbeau blanc, qui a été enregistré bien plus tôt, cet album est remarquable par son homogénéité. Il a une vraie couleur musicale et je pense que le nombre restreint d'auteurs-compositeurs y est sans doute pour beaucoup. A l'inverse, en cette année 73, on voit que Johnny fait le grand écart. À côté de cet album, on a le droit à d'autres titres comme Le soleil s'élève à l'est, Au mois de mai, J'ai un problème et Te tuer d'amour en duo avec Sylvie le mois suivant. Et puis en novembre, on aura un single avec Noël interdit et Fou d'amour. Et puis que dire de Victoire je t'aime qui paraîtra bien plus tard en 2017. On a là des productions bien éloignées de l'esprit d'un solitude, mais qui montrent toute l'étendue de ce que peut proposer Johnny. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avoue que pas un bon juge pour cet album, c'est mon premier single, c'est Ce que j'aime, qu'on m'a offert pour 12 ans, c'était j'ai pu me l'offrir grâce à l'abonné des courses que j'ai pour ma grand-mère. À cette époque-là, comme j'étais dépiné. D'ailleurs, merci mamie de m'avoir fait confiance. Et cet album a été issu des mêmes rentrées dans l'argent avec ma grand-mère. Il y avait une vraie complicité, elle m'a permis de démarrer ma collection avec Johnny. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour cet album-là, en plus de ma grand-mère. Et puis, quelle fierté d'avoir son premier album à soi à 12 ans. Et je regardais la pochette avec la guitare, et moi, je voulais apprendre la guitare à cette époque-là, comme tout. Et la guitare, elle vient encore ? Alors, la guitare, non, je pense que j'ai dû la casser, bien plus, mais de toute façon, la guitare, elle n'a jamais voulu. Elle marchait avec d'autres, j'avais des copains qui jouaient de la guitare, vous allez voir, elle était capricieuse avec moi. Revenons à nos moutons, enfin à l'album. Le titre phare, La musique que j'aime, est un véritable chef-d'œuvre où les guitares métalliques et la voix de Johnny incarnent parfaitement l'esprit de l'album. Le duo avec Michel Mallory, La prison des orphelins, est une belle réussite. La complémentarité des voix renforce la force émotionnelle de la chanson. L'anecdote la plus marquante autour de cette chanson, c'est probablement le concert au pénitencier de Bocuse en Suisse en 1974. Ce concert symbolique s'est déroulé devant les détenus, une occasion pour l'idée de toucher un public particulier, partagé entre la rédemption et la révolte. Dans ce cadre, la prison des orphelins a pris une dimension encore plus forte, résonnant comme un cri de libération et de fraternité, marquant un moment unique dans la carrière de Johnny. Alors on parlait de toute la musique que j'aime, il y a quelque chose qu'on entend, qu'on lit assez souvent, mais le vrai titre, il me semble que c'est pas tout à fait ça. Il faut bien dire La musique que j'aime, non ? Exact. Et ce titre est devenu emblématique. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est le plus chanté en duo. Il l'a fait en duo avec Eddie Sardou, Fanny, Peter M, Stella, Richard Boringer, Véronique Sanson ou Paul Person, et même Sylvie et David. C'est le titre qui résume le mieux de son hymne. Il l'a même chanté en espagnol plus tard. Le 14 février 73, c'est l'apparition du 45 tours Comme un corbeau blanc, La musique que j'aime. Étrangement, La musique que j'aime a été reléguée en face B. Il me semble que sa maison de disques ne croyait pas à ce titre, c'est pour ça. Oui, en fait, Comme un corbeau blanc, il semblerait qu'il ait été enregistré 3 ans plus tôt pour l'album Vie, mais ça n'entrait pas dans le concept de l'album. Donc Jean Renard et Gilles Thibault, les auteurs-compositeurs, surfant sur le succès de Que je t'aime, cherchaient à dégainer un nouveau tube. Et Jean Renard, qui croyait en ce titre, avait insisté pour qu'il figure en face A du single début 73, et donc reléguer La musique que j'aime en face B. Alors il faut le dire, les amis, Johnny Hallyday a marqué l'année quand même par plusieurs événements. Par exemple, du 19 au 23 juin, Johnny s'est produit à l'Olympia de Paris pour aider Bruno Cocatrix, alors en difficulté financière. C'est quand même un gros geste de sa part qu'il chante gracieusement et il demande seulement de couvrir les frais des musiciens. D'ailleurs, ses concerts incluent des titres phares comme De Personne, Il faut boire à la source et des morceaux de Insolitude, pratiquement en avant-première. En effet, Johnny n'avait jamais oublié que Bruno Cocatrix lui avait mis le pied à l'étrier. Quelques jours avant ses concerts à l'Olympia, Johnny entame une tournée conjointe avec Sylvie, le 31 mai à Mérignac. Le couple donnera près de 40 concerts en France, en Suisse, en Italie, en Espagne et en Grèce. Leur duo, J'ai un problème, connaît un grand succès durant cette période. Lors de sa tournée estivale, certains galas dégénèrent en émeutes, entraînant des interdictions dans plusieurs villes comme Biarritz et Strasbourg. Le 14 juillet, il se produit à Athènes dans le cadre des Olympiades de la chanson. C'est un événement qui est retransmis à la télévision grecque. Bon, les amis, c'est vrai qu'on est obligé de parler de ce duo, qu'à l'époque, c'était la mode des couples en duo. Il y avait Fedaï, Ringo, Tony Chardin. Ce duo a connu un grand succès sur les ondes et a marqué le début de leur collaboration artistique en tant que couple. Alors oui, mais en parlant de duo, on ne peut pas passer sous silence que dans le Cadet Roussel qu'ils avaient fait le 22 février 13, il avait chanté avec Stevie, Pilux, ils avaient chanté tous les trois, 2 minutes 35 de bonheur. C'est vrai, JP. D'ailleurs, dans cette émission, Johnny, très en voix, interprète en live une version de Comme un corbeau blanc, qui pour ma part est bien supérieure à celle de la version studio. Dans ce cas, il y a Cadet Roussel, 14 juin, avec 4 titres solo et J'ai un problème, c'est une amour. Alors, si on veut parler de télé spécifique, le 23 juin aussi, Johnny a fait un top à Johnny et Sylvie. Johnny chante 4 en solo et puis les deux duos, J'ai un problème et J'ai tué l'amour avec Sylvie. Donc, ils ont fait quand même une bonne promotion pour leur duo. Oui, mais aussi un duo avec Michel Mallory, La prison des orphelins et J'ai besoin d'un ami en s'accompagnant seul à la guitare. Et pour moi, justement, le must, ce duo, Vivre Fever avec Sylvie, car on ne connaissait pas du tout à l'époque. Et je me souviens de l'avoir vu et de m'être dit, c'est un inédit. Bon, eh bien, on l'a vu, 1973 a été une grosse année côté actualité pour Johnny. Et en fin d'année, on aura un nouveau 45 tours au mois de novembre avec Noël Interdit et Fou d'amour. Et puis, Johnny prépare déjà la suite, car en cette fin d'année, il est de nouveau en studio pour enregistrer l'album suivant, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, merci les copains de m'avoir enfreigné ce voyage musical autour de Insolitude. Cet album est la preuve que Johnny est au-delà d'être une idole, c'est vraiment un artiste complet et profondément sincère. Alors je vous donne rendez-vous à tous et à toutes dans un prochain épisode où nous continuerons à explorer la légende de Monsieur Johnny Hallyday. Bien, merci à Jeff de nous avoir accompagnés et bonne écoute à toutes et tous. À bientôt. Merci à tous les deux.